FrenchPod.com. Je vous écoute. Un café au lait, s'il vous plaît. Un café crème. Non, je veux un café au lait. C'est la même chose, madame.